La foule dans l'arène en folie criait à mort, mort aux perdants. Pourquoi tous les jours dans la vie il nous reste ce goût de sang? Elle est sadique, cette foule, achevant celui qui s'écroule, car elle ne veut que des vainqueurs, qu'ils soient lions ou gladiateurs. Pourquoi hurler avec les loups? Ils seront bien assez sans toi. Ne te mets jamais à genoux. Refuse qu'on se serve de toi. Pourquoi cette loi du plus fou qui décide et qui gagne tout? Pourquoi cette loi d'aliéné? Devant elle tu dois t'abaisser. À mort cette loi du plus fort qui règne du sud au nord. À mort la meute sans pitié. Vas-y, agis à ton idée. Tu peux hurler dans le désert. Hurler d'amour et de colère. Battre cette loi du plus fort. Pour laquelle tu tous les hommes.